Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen. So, so, glosso, so, da. Eloé. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Yao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. La Joëlo, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, mi la Joëlo. Soso glosso mi bia, et l'osan la do. Soso glosso mi bia, et l'osan la do. Mimi la zundo et toutou la zundo lo. Oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, mi la Joëlo. Oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, mi la Joëlo. Amis auditeurs panafricains, diaspora africaine, notamment togolaise, bonsoir et merci de choisir Radio Canal K et nos radios partenaires FM Liberté, Radio Dénigrant pour vous informer. Au Togo, les populations sont sorties nombreuses les 6 et 7 septembre dernier à l'appel de l'opposition pour revendiquer le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora ou encore le départ pur et simple de Faure Gnassingbé qui succéda à son père en 2005. Et dans plusieurs villes du Togo, le peuple sorti par milliers, surtout à Lomé, a exprimé sa détermination et son engagement à faire plier le pouvoir dictatorial de vieux de 50 ans. Mais finalement, jeudi dernier, à mes auditeurs panafricains, le sitting qu'observait le peuple dans le quartier Dékon, un quartier stratégique depuis le matin, dont c'était jeudi dernier, jusqu'à 22h30 de Lomé, a été violemment dispersé par les forces de l'ordre à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille-t-il? Comment expliquer cette répression nocturne jeudi dernier lors de sitting à Dékon? Eh bien, mes auditeurs panafricains, nous en parlons avec nos invités en ligne depuis l'Allemagne. Mais, en attendant, retrouvons notre correspondant Rodrigue Aego depuis Lomé. Répression barbare des manifestations de contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé depuis hier dans les quartiers de Dékon, Bé, Adakpa, Mea, Kodesewa, Gbenyedi, Bekota, entre autres, avec des courses poursuites, jets de gaz lacrymogène, arrestations, intimidations, agressions menant des journalistes avec confiscation de matériel de travail, agression des gardes de Tipi Atadam à son domicile. C'est la situation qui a cours au Togo depuis hier. Notre correspondant au Togo, Rodrigue Aego, nous fait le point de la situation. Nous vous proposons de l'écouter. Un vendredi chaud, peut-on dire, pour ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement au Togo, parlant des mouvements de contestation du régime dictatorial RPT Unir, qui régente le pouvoir depuis plus de 50 ans. Après la dispersion à coups de gaz lacrymogène des manifestants qui observaient un sitting hier à Dékon, un quartier commercial de Lomé, la capitale, course-poursuite, jet de gaz lacrymogène, bastonnades, agressions et arrestations se poursuivent dans les quartiers Bé, Bekbota, Adakpamé et leurs environs. On dénombre plus de 164 arrestations et plusieurs blessés selon les responsables des partis politiques de l'opposition engagés dans cette action unicitaire. Cette mi-journée, une dizaine d'agents de force de l'ordre à bord de deux véhicules Jeep immatriculés 0151A et 0162A se sont rendus au domicile du président national du Parti national panafricain PNP, Tipi Salifou Atiadam, pour intimider et agresser ses gardes. Informés, tous les responsables des différents partis de l'opposition ont dû écourter leur réunion et se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et soutenir leurs partenaires de lutte. À tour de rôle, Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, Jean Kissi, Nathaniel Olympio et Jean-Pierre Favre ont condamné unanimement cette pratique barbare relevant des habitudes du régime. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé au Togo. Et la population est extrêmement déterminée et tous les leaders de l'opposition font bloc aujourd'hui. Un seul mot d'ordre, une seule revendication et un seul objectif. Et ça a été clairement exprimé. Les populations veulent que ce que les leaders demandent depuis longtemps soit mis en application immédiatement. Et ça a été clairement exprimé et pris en cœur par toute la population. Et aujourd'hui, voilà, on assiste à ces scènes, d'abord hier, de violence qui ont été perpétrées sur les populations qui manifestaient pacifiquement, sans aucune arme. Et à une heure tardive de la nuit, des gens ont été bousculés, plus de 164 arrestations qui ont été décomptées ce matin, et des blessés qu'on n'a même pas encore fini de dénombrer. Et derrière ça, il y a cette intimidation, cette descente musclée, avec des cargos remplis de forces de sécurité qui viennent intimider un chef politique. Eh bien, l'ensemble de la classe politique de l'opposition, le chef de file en tête, eh bien, vient porter sa solidarité à l'un des nôtres qui est menacé aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que Tipi Achadam l'a exprimé. Il a dit publiquement sur vos antennes qu'il faisait l'objet de menaces et il craignait pour sa vie. Et donc, cette démonstration de force à son domicile personnel, eh bien, vient renforcer ce que nous étions en train de dire, ce que lui-même disait. Et parfois, ça dénote du caractère violent et d'intimidation et de répression de ce régime qui n'a que trop duré dans notre pays. Les populations sont fatiguées, tout le monde est fatigué. On est dans une situation qui ne peut plus durer. Le Togo est le seul pays de la CEDEAO qui a refusé de signer la charte de bonne gouvernance. Et le Togo est un pays où l'ONU nous déclare année après année que nous sommes la population la plus malheureuse au monde. Et tout cela, ça donne la colère. Et les Togolais sont en colère aujourd'hui contre leurs dirigeants, contre la minorité qui s'accapare de ce pays, qui confisque le pouvoir depuis une cinquantaine d'années. Ça suffit maintenant, c'est ce que disent la population togolaise. Brigitte, en tout cas, Nathanaël, Brigitte a dit une chose hein, pour la question que les journalistes ont posée. Aujourd'hui, là, s'ils arrêtent, hein, nous tous, on sera au lieu où il faut nous arrêter tous. Voilà, en fait, c'est le mot. S'ils arrêtent une personne parmi nous, nous tous, on sera là-bas où ils peuvent nous arrêter tous. Voilà, ils n'ont qu'à construire assez de prisons. On saisit l'occasion pour remercier les populations pour la grande mobilisation de ces deux jours et pour la résistance qui continue dans les quartiers de Lomé et même dans les villes de l'intérieur. Nous avons appris ce matin qu'il y a des rafles, par exemple à Bafilo, le député Sofo Fofana m'a appelé pour m'informer de ce que il y a des exactions, des brutalités, des violences militaires à Bafilo. Nous appelons les populations à la plus grande mobilisation parce que les jours que nous vivons, les moments que nous vivons sont des moments très importants pour l'avenir de notre pays. Donc la résistance continue. Si nous sommes ici pour exprimer notre solidarité vis-à-vis de notre collègue Achadam, nous ferons le nécessaire pour que les populations sachent que nous sommes à leur côté. Et nous nous rendrons certainement sur le lieu à Ben. Nous avons fait ça par le passé. Je ne vois pas pourquoi on ne fera pas ça aujourd'hui. Depuis hier, la résistance continue. Nous allons rendre public un communiqué qui va contenir ce mot d'ordre dans les meilleurs délais. J'entends dire qu'il y a une telle interprétation, mais nous sommes divers, mais il y a une harmonie parmi nous pour œuvrer vers le même objectif. Nous sommes 14 et on n'est pas un parti unique. Donc de temps en temps, il peut y avoir une interprétation, une position légèrement, peut-être, qui semble, mais fondamentalement, tout est homogène. Et d'ailleurs, il peut y avoir parmi nous des différences de méthode, mais on œuvre tous vers le même objectif. C'est ce qui est le plus important, et non la recherche minutieuse de ce que vous ne trouverez pas, c'est-à-dire des divergences. Comme a eu à le dire à Canal K lors d'une interview à nous accordée le vendredi 18 août, la vie de Tipi Salifu Achadam est en danger. Selon Ouro Dikpa Tchatikpi, son conseiller politique, le président Tipi se trouverait en lieu sûr et en sécurité. La vie du maître Achadam est menacée et il a déjà déclaré ça sur les ondes, comme quoi sa vie est en danger, il est menacé en permanence. Aujourd'hui, ce qui vient de passer n'est qu'une confirmation de tout ce qu'il alléguait. Alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions que vous pensez prendre pour mettre en sécurité le président? Oui, nous prenons toutes les dispositions qui s'imposent afin de préserver la vie de notre président, mais en même temps, nous plaçons toute sa sécurité sous la main de Dieu. Et où est-il actuellement? et mettre là-dedans est en sécurité et dans une discrétion totale. Alors, selon vous, quelle peut être l'allure de la situation, c'est-à-dire les actions à venir? Oui, l'allure des actions à venir incombe maintenant à l'unité d'action qui doit définir. Actuellement, on était en train de faire, on était en pleine réunion quand on a eu l'information selon laquelle la maison du maître Adidang a été encerclée. Nous sommes arrivés rapidement pour voir la situation. On repart maintenant sur les lieux de la réunion pour pouvoir définir les stratégies à venir. Une dernière question en marchant peut-être. Oui. Aujourd'hui, hier, on a eu répression barbare. Oui. Est-ce que les populations, vous comptez encore sur les populations, leur détermination? Les populations étaient prêtes avant même que la synergie naisse. Donc, quel que soit ce qui adviendra, la population sera toujours au pied d'œuvre pour pouvoir mener le combat jusqu'à ce que le Togo soit libéré du joug de la dictature cinquantenaire. Merci beaucoup. Hier nuit, au cœur des répressions barbares, deux confrères journalistes ont été pris à partie par les forces de l'ordre et de sécurité. Théophile Adam Lété de Radio Victoire a été sérieusement agressé par les forces de l'ordre. Alors qu'il voulait filmer l'action d'enlèvement d'une moto de manifestants par les gendarmes et policiers, le confrère Silvio Combe du site Africa Rendez-vous a vu son matériel de travail confisqué et emporté vers une destination inconnue. Récupérer son matériel, ils ont dit le commissariat central, et depuis le matin, on était là, on n'a pas trouvé son interlocuteur. On a dit qu'on n'a pas ramené la caméra. Apparemment, ça a été volé. Au commissariat central. Pas un policier hier soir. Pas un seul quartier où l'on ne peut constater la présence de forces de l'ordre et de sécurité. À Baie, ils pénètrent les maisons, vont jusque dans les chambres pour agresser, violenter et interpeller des populations. Il faut préciser que depuis mardi nuit, l'internet est coupé au Togo, empêchant toute communication. Interrogé sur la suite à donner à ces mouvements de contestation, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, indique que la lutte continue jusqu'à satisfaction totale, c'est-à-dire le départ de Fort Niassingbé. Outre Lomé, la capitale togolaise, des localités comme Sokodé vivent également une sorte d'enfer. Depuis le 19 août dernier, les forces de l'ordre et de sécurité, parlant de gendarmes et policiers, y compris également des militaires, ont assiégé la ville de Sokodé, menant la vie dure aux pauvres populations. Ces mouvements de contestation se poursuivent donc avec de chaudes empoignades dans les rues du Togo. Soso glosso sodo Elole. 50 ans de règne de Niassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinats politiques, crimes économiques, cabésier au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne de Niassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Niassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vain dans la dignité. Ceci est un message de la Coordination des Mouvements et Associations de la Diaspora, GFSA, en Suisse, Cause Commune, au Canada, USDCT, aux USA, Mouvement Mobilisons-nous, aux USA, Patriotes Togolais, aux USA, Groupe Sursaut Patriotique Togo, aux USA. Oui, d'accord, avions la voie, oui, d'accord, milagro, hello, oui, d'accord, avions la voie, oui, d'accord, milagro, FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, mes auditeurs, avant de prendre nos invités en ligne depuis la France et l'Allemagne, accueillons d'abord depuis Lomé. Nous rappelons que nous enregistrons cette émission ce vendredi. Et ce vendredi 8 septembre, nous accueillons depuis Lomé et un des leaders de cette nouvelle dynamique, CAP 2015 PEP Groupe des 6. Et nous accueillons Gérard Koumé, il est porte-parole du parti Les Démocrates de Nicodème Rabia, Gérard Koumé. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à la diaspora togolaise et africaine. Merci, du courage à vous, puisque ça n'a pas été du tout facile pour vous, ces deux jours de manifestation lancés les 6 et 7. Parlez-nous justement de la journée du 7, hein, donc justement vers 22h30, décrivez-nous un petit peu comment la police a réprimé dans le sang et les manifestants en présence de ces leaders-là qui ont observé un meeting, et un sitting plutôt, je voudrais dire, à Décon, un quartier stratégique de Lomé. Il faut dire d'abord que je dois remercier la population togolaise qui se sont massivement mobilisés pour soutenir la revendication de l'opposition et aussi situer les uns et les autres comme quoi la coalition qui a appelé à cette manifestation. On a bien sûr le CAP 2015, le groupe de 6, le PNP, Santé du peuple et le CAR. Donc, d'autres forces nous ont rejoints. Donc, en somme, c'est les forces démocratiques en présence au Togo qui ont appelé à ces manifestations auxquelles les populations ont répondu massivement. Pour revenir, n'est-ce pas, à votre question, qui s'est passé la nuit du 7, rappelons que les populations sont sorties massivement parce que notre point de chute qui était le bas-fond du collège Saint-Joseph était déjà rempli de là jusqu'à la colombe de la paix, et la colombe de la paix jusqu'à Décon. Quand, n'est-ce pas, la jonction était à Décon, les leaders étaient arrivés à Décon, honnêtement parlant, il y avait même plus d'espace pour évoluer. Mais nous nous sommes dit avec la pression de la foule, qui serait mieux pour envoyer un message fort à ce régime séquentenaire de faire un sitting sur les lieux. Et ce qui a été fait, et jusqu'à 22 heures, tout se passait normalement. Oui. Et de voir, n'est-ce pas, la masse qui était à Décon là-bas, concentrée à Décon, dans, n'est-ce pas, le calme, il n'y a rien de violent. Malheureusement, c'est comme ça, les forces, même les enfants, les forces du désordre, sont venues charger ceux qui manifestaient. Sans sommation, et il faut voir le dégât de violence que ces forces-là ont exercé sur les manifestants. Et c'est inimaginable. Et jusqu'à aller dire que nous avons le chef de file de l'opposition, une institution parmi, n'est-ce pas, cette foule qui était amassée là. Et on ne pourrait même pas venir. Soit vous sauvez libre. Gérard Koubé, est-ce que vous avez reçu une sommation de la part de ces forces de l'ordre? Il n'y a eu aucune sommation. Est-ce que ce n'est pas parce que là, il est 22h30, jeudi dernier à Lomé, vous avez reçu l'autorisation de manifester pendant deux jours? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est 22h que, voilà, on peut vous dire que vous n'êtes plus à, vous êtes en non-droit de manifester, de continuer la manifestation, Gérard Koumé? Nous sommes des légalistes. Même si on peut leur concéder cela, qu'il s'en est 22 heures, la moindre des choses, c'est d'approcher les responsables qui étaient là-bas et leur dire que vous savez que la loi est telle et on voit comment est-ce qu'on peut gérer la foule. Parce que dans cette situation, la foule est ingérable. Nous tout sommes débordés. Donc c'était c'est la nuit battante qu'on vient charger les gens. On pourrait attendre le lendemain. Et comme on le dit souvent, c'est vous avez suivi. Indescriptible. D'accord. Et on ne pourrait jamais accepter cela. D'accord. Gérard Koumé, donc toute l'opposition, hein, les leaders de CAP 2015, groupe des 6, PNP, vous avez suivi plutôt la voix du peuple, la voix des opprimés, comme on le dit souvent. Donc c'était le peuple qui a décidé de siéger à Décon. C'était ça. La voix du peuple. C'est la voix de Dieu. On ne peut que suivre. Et c'est un signal fort qu'on envoie à ce régime. Ce régime n'avait qu'à entendre raison et d'accéder aux revendications des forces démocratiques. D'accord. C'est tout ce qu'on demandait. D'accord. Gérard Koumé, nous sommes mercredi et 8 septembre. Nous enregistrons cette émission. L'émission sera passée justement tous les samedis. C'est clair, c'est dès demain. Vous qui nous suivez, on n'est pas en direct. Mais ce vendredi et aujourd'hui, on a entendu qu'à Lomé, il y a encore les répressions qui continuent. Et voilà, Tipi Atadam, son domicile est encerclé. Vous étiez allé là-bas voir ce qui se passe. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance, l'atmosphère ce que vous vivez, particulièrement vous les leaders, de cette nouvelle synergie. Il faut reconnaître que la violence exercée sur la population hier, qui a continué jusqu'à ce jour, avec des expéditions punitives dans les quartiers amotivés, dans les quartiers bains et alentours, où les forces du désordre entraient dans les maisons, violentaient ceux qui n'avaient même rien avec les manifestations. Et c'est inimaginable. C'est inimaginable et on ne pourrait l'accepter. Et dans cette cacophonie, nous apprenons que la maison du président Tipi Akadam était encerclée. Nous nous sommes levés comme un seul homme. Tous les leaders qui étaient en concertation quelque part pour aller voir de visu ce qui se passait à Akadam. Parce que nous le disons aujourd'hui, il faudrait que les régimes cinquantenaires en place ce qu'on comprenne que nous ne nous laisserons plus faire. On ne va pas arrêter un seul leader. D'accord. Si on veut prendre un leader, autant nous prendre nous tous. Donc c'est tous, nous tous qu'on va aller enfermer. D'accord. Tous donc c'est ça, il faudrait qu'ils comprennent très bien que on tente d'arrêter un, c'est nous tous qu'on doit prendre en ce moment-là, ou celui-là qu'on a indécé ne partirait pas. D'accord. Donc il se prépare à agrandir la prison et à enfermer tous les leaders. D'accord. Trop. Question. C'est trop. Trop, c'est trop. Question très importante, Gérard Koumé. Je suis également animateur de cette émission. Je suis tout à fait aussi un citoyen togolais. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi la suite? Est-ce que les manifestations vont continuer? Quel est le mot d'ordre de la part des leaders politiques comme vous? Ce que je puis vous dire, à l'heure actuelle, les concertations continuent et les forces démocratiques sortiront très bientôt dans une conférence de presse pour situer les uns et les autres et lancer un mot d'ordre clair. D'accord. Les populations se sont mobilisées massivement pour atteindre un objectif. Nous atteindrons maintenant cet objectif. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est d'appeler à ce que ceux-là qui ont été sauvagement réprimés la fois dernière, ceux-là qui ont été arbitrairement arrêtés et détenus dans les prisons, soient libérés. D'accord. C'est la première des choses que nous réclamons. D'accord. Le reste, ça se voit. Est-il que, qu'on le veuille ou non, d'accord, nous nous atteignons maintenant notre objectif que nous sommes fixés. D'accord. Rapidement, Gérard Koumé, la diaspora n'est pas restée indifférente face à cette situation. Elle est nombreuse à l'écoute de cette émission. Rapidement, vous avez une minute. Quel est votre mot à l'endroit des Togolais combattants, soif de cette liberté, surtout la diaspora qui nous écoute actuellement? Est-ce que la mobilisation ne va pas faiblir? La mobilisation ne va pas faiblir puisque la diaspora nous a, n'est-ce pas, montré le chemin. C'est par cette mobilisation, elle fait partout dans le monde, que l'opinion internationale a compris maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe au Togo. Parce qu'à chaque fois quand nous dénonçons ce qui se passe au Togo, la communauté internationale occulte la chose. Les radios internationales n'en parlent pas. Mais aujourd'hui, c'est au vieux au-dessus de tout le monde que quelque chose se passe au Togo. Nous demandons, n'est-ce pas, à la diaspora togolaise de continuer ce travail-là, d'alerte, pour que toute l'humanité, n'est-ce pas, soit au parfum de ce que nous vivons au Togo, d'accord, des atrocités que nous vivons au Togo, pour que enfin nous puissions quand même finir d'accord avec cette dictature séquentielle. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Gérard Koumé. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de cette émission panafricaine, Fenotro sur l'Afrique, sur nos radios partenaires FM Liberté Radio Déniment et Radio Kanalka, que vous êtes porte-parole du parti politique Les Démocrates de Nicodème Rabia. Merci et bonsoir et bon courage. Merci beaucoup, merci. Radio Denigbon, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Et merci de votre fidélité sur le 3xw.canalka.ch. Nous accueillons nos invités. D'abord, nous accueillons Clément Cloutier, qui est parlementaire copté et au Parlement de Hambourg de la CDU. Il est également germano-togolais. Clément Cloutier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Merci de nous accompagner. Depuis la France, à Poitiers, Kofi Nyazozon, il est juriste. Kofi Nyazozon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Merci. Nous rappelons que nous enregistrons cette émission à la veille même de la diffusion ordinaire de cette émission tous les samedis, c'est-à-dire nous sommes vendredi 8 septembre. Donc, et par rapport à cette mobilisation qui va se faire à Strasbourg, la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique sera à Strasbourg. Donc, rapidement, Clément Cloutier, les 6 et 7 septembre dernier, le peuple togolais a exprimé sa volonté à travers les manifestations pacifiques dans plusieurs villes du Togo. À Lomé, par exemple, plusieurs quartiers étaient noirs de monde avant que les manifestations pacifiques ne faiblissent pas. Hein. On a fait un sitting quand même à Décon. Et alors d'abord, ma question, quelle étude faites-vous de cette mobilisation du peuple qui, pendant un long moment, semble adopter un silence trompe-œil? Merci, Monsieur Amos, de m'avoir invité dans cette émission pour m'exprimer en tant que Togolais sur ce qui se passe actuellement dans notre pays d'origine, où nous avons tous de la famille. D'abord, je dois dire que, avant même de répondre à votre question, je voudrais présenter toute ma sympathie aux blessés, à ceux qui sont arrêtés pendant ces quelques jours de protestation pour réclamer un peu plus de liberté et de démocratie. Naturellement, en tant que Togolais, on est choqué d'un côté de voir cette grande mobilisation des populations togolaises qui demandent légitimement qu'il y ait des réformes qui se fassent au Togo, qui demandent la limitation de mandat du chef de l'État actuel, dont la famille a gouverné le Togo et gouverne le Togo pendant pratiquement 50 ans. Et cette mobilisation est un signe d'espoir pour le peuple togolais. Malheureusement, il se fait que selon les informations que nous avons reçues de nos familles, que de nos amis sur le terrain, le gouvernement a essayé de museler la communication, de couper les contacts avec l'extérieur, notamment en coupant l'Internet. Partiellement, ils ont coupé l'Internet parce qu'il y a eu quelques réseaux de temps en temps. D'accord, mais de toute façon, il y a eu des coupures puisque moi, j'étais pas en mesure de se joindre de la famille et des gens sur le terrain. Bon, au-delà de ça, je suis indigné parce que le Togo n'a pas signé la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance pendant que c'est ce qui est demandé par la population togolaise. Tout à fait. Et la misère ambiante dans le pays, qui a plongé le pays dans la crise, et dans le même temps que celui qui gouverne ce Togo, le pays qu'est le Togo, M. Yatsingbe Faure, ne s'est pas prononcé jusqu'à présent face à cette crise qui a atteint un point culminant, je crois que ça doit nous amener à réfléchir sur la gouvernance de ce pays. Et que dans le même temps, nous ayons appris que des forces de l'ordre soient rentrées dans les maisons pour taper les gens aujourd'hui, pour lancer des gaz lacrymogènes, n'est pas acceptable et n'est pas, de toute façon, à mon point de vue, quelque chose qu'on doit accepter dans le temps. D'accord. Rapidement, on va voir ce que pense également Kofi Nyanzonzon, je le disais, qui est juriste, ici même en France, à Poitiers. Et rapidement, Kofi Nyanzonzon, des milliers de Togolais dans les rues, dans plusieurs villes du Togo, notamment dans la capitale Lomé. Kofi Nyanzonzon, pourra-t-on dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille? Absolument, le pouvoir vacille. Hein. Il fait d'ailleurs plus que vaciller, parce que depuis le 19 août, nous voyons que la mobilisation va en s'amplifiant. Donc, techniquement, c'est un régime qui paraît aux abois, ou sinon qui est aux abois. Raison pour laquelle, visiblement, on nous réitère cette même scène que nous avions tous assistés en 2005, où 500 de nos concitoyens furent massacrés afin de permettre à un seul individu d'accéder au pouvoir. Donc, je ne referai pas l'histoire, mais nous savons tous les conditions calamiteuses dans lesquelles M. Faure est arrivé au pouvoir. Donc, dès lors, ce pouvoir est manifestement aux abois. Donc, pour vous, ce pouvoir est manifestement aux abois. Rapidement, Clément Coutier, le jeudi 2 septembre dernier, depuis le matin jusqu'à 22h30 de Lomé, des milliers de manifestants observaient un sitting à Décon, un quartier très populaire de Lomé. Mais les forces de l'ordre finalement ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Notons quand même que les leaders du CAP 2015 du PNP du groupe des 6 étaient quand même au cœur de ce sitting. Clément Cloutier, comment comprendre alors la répression nocturne de ces forces de l'ordre? C'est tout à fait répréhensible, ces genres d'actions. Si nous voulons parler d'un État qui veut accéder à un État de droit, le droit de manifester, de la population doit être une réalité au Togo, mais la violence, la brutalité, l'excès et le déchaînement de forces de l'ordre que nous avons vu, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien cacher, les vidéos qui circulent, les informations qui sont là publiquement, nous démontrent clairement qu'il y a eu des excès, je le disais tantôt, avec des gaz lacrymogènes qui ont été lancés dans les maisons des gens. Et je crois que c'est inacceptable, parce que la population a des revendications légitimes face à ces gouvernants qui ont l'obligation d'écouter cette population-là et de trouver des solutions aux problèmes qui sont évoqués. Et la violence fait partie du quotidien des Togolais depuis pratiquement 50 ans. J'avais espoir que cette fois-ci, le régime actuel prendra la mesure de la chose et essayera de trouver des compromis avec sa population. Mais malheureusement, il se fait que ce gouvernement est dans sa logique de brutalité et de violence. De conservation de pouvoir. Je crois que, naturellement, de conservation de pouvoir et d'intimidation. Et je crois que tout cela, franchement, est inacceptable. Et ça, il faudrait qu'on le dise. D'accord. Eh bien, Kofi Nyanzonson, il faut tout de même en noter que l'opposition avait obtenu l'autorisation de manifester pour deux jours, justement, les 6 et 7 septembre. Et justement, la nuit de jeudi 7 septembre était les dernières heures de l'autorisation jusqu'à 22 heures et quelques, normalement. Alors, vous qui êtes juriste, Kofi Nyanzonson, comment expliquez-vous cette situation et cette manière de procéder du pouvoir qui a réprimé et dispersé à coups de gaz lacrymogène, matraque, un peu partout, et la foule qui observait un sitting à Décon? Je trouve tout simplement que il y a eu un usage plus que disproportionné de la force. Comment comprendre que des milliers de personnes soient assis, attroupés quelque part, et que sans sommation, on commence par faire usage et de gaz lacrymogène, et de gourdin, et de tout. Donc les moyens de force nécessaires pour pouvoir dégager, alors même que ces derniers n'ont fait ou n'ont tenu aucune attitude, laissant croire une seule seconde qu'ils avaient envie de se confronter aux forces de l'ordre. Justement, pour rappel, Kofi Nyanzonson, il faut quand même rappeler à nos auditeurs panafricains également, puisque des Togolais connaissent bien ce qui se passe au Togo, mais nos amis panafricains, il faut quand même rappeler que souvent le pouvoir, ou bien le ministre de la Sécurité, a qualifié les manifestations de l'opposition de violence. Est-ce que ces manifestations sont violentes au Togo? Vous savez, monsieur, dans un état normal, dans un état de droit, le ministre en question ne devrait même plus l'être. Depuis le 19 août dernier, eh bien, ce ministre en question a complètement passé outre ses prérogatives. C'est-à-dire? Dès lors, c'est-à-dire que il ne revenait pas à un ministre de prédire à l'avance les bavures policières, les tueries, les massacres dont seraient l'objet ses propres concitoyens. C'est d'un rêve. C'est pas, dans aucun pays au monde, cela ne se fait. Alors, je veux bien qu'on nous dise que nous sommes dans un régime autocratique, et là, j'en conviendrai. D'accord. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que, dans un état de droit, un ministre puisse se permettre d'annoncer à l'avance des tueries au motif d'un fumeux itinéraire qui chercherait à imposer aux manifestants. Donc dès lors, depuis le 19 août, ou même depuis le 17 août, le ministre de la Sécurité togolaise devait être démis de ses fonctions. C'est inconcevable. Kofi Nyanzonson, il faut quand même rappeler également quelque chose de très très, très important. On dit souvent que voilà, les manifestations de l'opposition ont été souvent violentes, mais depuis les 6 et 7 septembre, on a vu, depuis le matin du 6 et même 7, on a vu le côté pacifiste de cette manifestation. La police n'a pas également réprimé, et sauf qu'à Goué, on a vu qu'on a eu à jeter quelques gaz lacrymogènes. Mais pendant ces deux jours, jusqu'à jeudi nuit, 22h30, la police observait également. Donc, il y a quand même le côté pacifiste Si, effectivement, si la police ne gazait pas les populations, je pense que la foule devrait continuer à réclamer le départ de Fonia Singbé. Qu'en pensez-vous, Kofi Nyanzozon? Oui, les manifestations du 6 et 7 septembre n'ont rien de violent. Les réclamations ou les attentes de ces populations regroupées, eh bien, sont légitimes. C'est ce que disait mon contradicteur tout à l'heure. Elles sont légitimes. Comment comprendre que dans un pays comme le Togo, on est les seuls, ou le Togo est le seul pays de la sous-région à ne pas se soumettre donc à la limitation des mandats? Comment comprendre que le président Fonia Singbé soit le président en exercice de la CEDEAO, CEDEAO pays, état membre dans lequel les mandats sont limités, et que lui-même, dans son propre pays, eh bien, cela n'est pas le cas. Alors, quel exemple va-t-il donner? Il exerce quel pouvoir au titre de la CEDEAO? Donc, il y a manifestement quelque chose, un parfum d'illégitimité qui ressort de cela. D'accord. Illégitime non seulement dans son pays, mais illégitime également au niveau de la CEDEAO. Je vous rappelle, Monsieur Amos, que le Togo et la Corée du Nord sont aujourd'hui les deux pays au monde où le règne est aussi long. Donc, ce que veulent les populations, ce n'est pas la personne de Fonia Singbé, mais les populations veulent tout simplement qu'il y ait une limitation de mandat, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le champ démocratique, comme cela se fait un peu partout. Alors, est-ce que demander cela reviendrait à subir une violation de la Constitution? Parce que, disons-le, la Constitution togolaise dit que, elle précise que le domicile est inviolable. La personne humaine est sacrée. Mais, manifestement, depuis le 19 août, et même plus en avant, depuis 2013, on assiste à une violation systématique et permanente de notre constitution togolaise. En tout cas, on a vu circuler encore des vidéos aujourd'hui même, vendredi, date à laquelle ou l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission. On a vu des images des forces de l'ordre rentrent dans les maisons. Et voilà, donc il faut quand même revoir cette situation quand même de sécurité au Togo. Rapidement, Clément Cloutier, donc malgré toute cette grande mobilisation dans plusieurs villes du Togo, Fonia Singbé n'avait fait aucune déclaration officielle, vous l'avez relevé tout à l'heure, et justement pour donner sa position par rapport à la situation actuelle. Par contre, à la veille des manifestations de mercredi dernier, le pouvoir, lors du Conseil des ministres, a adopté dans un communiqué un avant-projet de loi portant sur la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à deux tours. Alors, pour certains citoyens, c'était pour calmer les ardeurs, mais pour certains, tout comme l'opposition, c'est la diversion et de la moquerie ou encore de l'insulte à l'intelligence des Togolais. Alors, ma question est la voici, Clément Cloutier. L'opposition doit-elle discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi? Écoutez, Monsieur Amos, je crois que pour tout observateur avisé de la politique togolaise, depuis que nous connaissons ce régime, on nous a toujours fait ce genre de diversion. Et ce dont vous venez de parler notamment, la proposition de projet de loi, est pour moi, personnellement, et je crois que beaucoup de Togolais partagent aussi cet avis, c'est un canular. Comment comprendre que ce système ait rejeté le même projet de loi il y a quelques années et qu'aujourd'hui, du coup, sous la pression de la population, on veut revenir à cette loi? Ça, c'est mon premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est que il n'y a pas longtemps, j'avais accordé une interview à la Deutsche Welle ici, où on m'a fait comprendre que dans certains milieux politiques, le Togo y compris, on essaie de comparer la situation des chefs d'État qui ne veulent pas limiter leur mandat à la situation de la chancelière Merkel. Et j'ai, après recoupement d'informations, appris qu'il y a des ministres togolais qui tiennent le même discours. Et je vais dire que c'est inacceptable. Et je voudrais profiter de cette occasion pour clarifier sur votre antenne cet état de choses. Je voudrais rappeler que l'Allemagne a un régime parlementaire, alors que le Togo a un régime présidentiel. Dans un régime parlementaire, le gouvernement qui incarne le pouvoir exécutif peut être renversé par le Parlement devant lequel il est politiquement responsable, ce qui n'est pas le cas dans un régime présidentiel. Dans un régime présidentiel, on a la séparation des pouvoirs, ce qui fait que le chef de l'État a ses prérogatives et peut, en sa qualité de président, dissoudre même l'Assemblée. Pour revenir à votre question, je ne vois pas en quoi la loi actuelle, le projet de loi qui a été proposé, qui n'est pas différent du projet de loi d'il y a quelques années, va changer quelque chose. D'autant plus que le gouvernement actuel a la majorité au Parlement et peut faire passer des lois puisqu'il avait déjà quelque part démontré dans le passé. Il peut faire passer la loi comme cela bon leur semble. Et pour cela, je crois encore une fois que c'est un canular. Il va falloir faire attention. D'accord. Donc pour vous, l'opposition ne doit pas discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi. C'est votre position? Je ne peux pas me prononcer au nom de l'opposition, mais à leur place, je crois que je ne prendrai pas cette décision. Donc, quelle est la solution? La mobilisation populaire? La pression sur ce pouvoir? Vous savez, aucune dictature, aussi forte soit-elle, n'est jamais venue au bout d'un peuple qui est résolu, qui est déterminé. Le peuple togolais, aujourd'hui, démontre sa volonté de liberté, d'émancipation de la dictature, veut reconquérir son indépendance et avoir un affranchissement du système actuel. Et ça, les populations nous l'ont démontré dans les jours passés. Et donc, le gouvernement togolais ne détient pas la légitimité de la population, ni l'opposition. La légitimité revient au peuple. Et c'est au peuple de demander ce qui lui est bon. D'accord. Et pour accéder à sa liberté. On va voir ce que pense également Kofi Nyadozon, qui est juriste, et on va voir, il est bien placé pour nous situer sur la position sa position et également la position du peuple togolais qui réclame quand même ces réformes ou le retour à la Constitution de 92. Kofi Nyadozon, à la veille des manifestations de mercredi dernier, le pouvoir lors du Conseil de ministres a adopté dans un communiqué un avant-projet de loi et portant sur la limitation du mandat présidentiel, le mot de souscrit à deux. Et comme l'a dit tout à l'heure Clément Cloutier, c'est de la duperie et l'insulte à l'intelligence des Togolais, comme le pensent également beaucoup de leaders au Togo. L'opposition doit-elle discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi? Kofi Nyadozon. Oh là là, je pense qu'on l'a perdu, hein. Bon, on va revenir, on va voir si il peut revenir dans l'émission. Et justement, Clément Cloutier, entre-temps, l'opposition revendique les réformes, d'autres exigent le retour de la Constitution de 92, mais finalement, lors des manifestations, le discours a changé, hein, Clément Cloutier, et c'est le départ de Fona Simbé que clame toute la population, tout le peuple qui ont manifesté ces deux jours-là. Alors, doit-on dire que l'opposition exagère et dans sa revendication, Clément Cloutier? Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que la légitimité ne revient ni au pouvoir en place, ni à l'opposition. C'est le peuple qui détermine l'histoire, sa propre histoire. Et donc, les leaders ne sont là que comme des courroies de transmission de la volonté populaire. Et si le peuple dit... Allez-y, je vous entends. Oui, alors, si le peuple dit nous avons été dupés trop longtemps, nous ne croyons pas en la sincérité du système en place, et ça, je crois qu'il y a assez d'éléments révélateurs de ce que ce régime a usé toujours de la mauvaise foi, qu'il faudrait qu'on soit clair et franc envers nous-mêmes. Si la population... à un certain moment, devient incrédule par rapport à ce pouvoir, ben naturellement, pour ne pas tomber dans les erreurs passées, je crois que il va falloir suivre naturellement la volonté de ce peuple. D'accord. Et selon ce que nous avons appris, et tous les médias internationaux l'ont également signalé, ils demandent que le système, prenne sa retraite. Le départ de Fonia Sibé. En tout cas, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, l'a dit, plusieurs fois, dans plusieurs regroupements, et tout dernièrement, et les deux manifestations, et des déclarations, et s'il faut discuter, Jean-Pierre Fabre l'a dit, c'est le départ de Fonia Sibé. Kofi Dianzon, je pense qu'on a finalement réussi à le joindre de nouveau. Kofi Dianzon, vous êtes avec nous. Rebonsoir, Kofi Dianzon. Rebonsoir, monsieur Amos. Et justement, nous parlons de cet avant-projet qu'a adopté il y a quelques jours, un avant-projet de loi portant sur la limitation de mandat présidentiel et le mode de scrutin à deux. Kofi Dianzon, vous êtes juriste. Est-ce que l'opposition doit-elle discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi? Alors, comme je disais, il s'agit bien d'un avant-projet. Nous ne parlons pas d'un avant-projet de loi. Par ailleurs, je rappelle à toute fin utile que le premier ministre Selom Kassou d'Abidjan a déclaré que il n'était pas question, la limitation de mandat portait non pas sur les 5 ans contenus dans la constitution de 92 originelle, mais portait sur 7 ans et rajoutait une couche en disant qu'il fallait remettre donc les compteurs à zéro. Ce qui concrètement voudrait dire que ils ne repartent pas au fond sur la constitution de 92. Ça veut dire tout simplement qu'ils comptent proposer soit une nouvelle constitution pour le peuple. Donc c'est ça le nœud. Maintenant, est-ce qu'il faille discuter dessus ou pas? Ça, il faudrait poser la question aux députés. Mais pour ma part, je considère que on ne peut pas attendre 11 ans après pour nous dire à la veille des manifestations qu'il faut étudier un avant-projet. Kofi Dianzon, est-ce que vous pensez que Fonia Sibé, voilà, ou le pouvoir l'a fait sciemment parce qu'il y a eu pression, c'est pour ça qu'ils ont essayé de lancer ce communiqué et pour calmer les ardeurs, un avant-projet de loi portant sur limitation de mandat. Vous pensez que c'était sous pression, Kofi Dianzon? Non, moi je pense que le pouvoir a donné un signal à l'opinion internationale pour dire nous devons quoi, pas que nous refusons, mais c'est juste que nous souhaitons faire les choses en profondeur. Après le terme consensus, le fameux mot trouvé, ce sont les réformes profondes. Mais de quoi parle-t-on? Il ne suffit pas de brandir cela après, je dis bien qu'après 11 ans. Rappelez-vous, monsieur Amos, des gens sont morts. Nous sommes arrivés dans un pays où la vie humaine n'est plus sacrée. En tout cas, on peut aussi rappeler à nos auditeurs panafricains que au Togo, le dialogue n'a jamais joué. Plus de 25 dialogues au Togo, ça n'a jamais apporté quelque chose de concret pour adoucir la crise sociopolitique au Togo. Plus de 25 dialogues, donc l'opposition ne croit plus à ces pourparlers. Donc, c'est un peu compliqué. Mais justement, Kofi Dianzon, entre-temps, l'opposition revendique les réformes, d'autres exigent le retour à la condition de 1992, mais finalement, lors des manifestations de ces derniers jours, le discours a changé, et c'est exactement le départ de Fonia Sibé. Alors, doit-on dire que l'opposition exagère un peu dans sa revendication, Kofi Dianzon? Alors, ce qu'il convient d'éclaircir, c'est que ce n'est pas le langage de l'opposition qui a changé. D'accord. Mais c'est le peuple qui a décidé autre chose. Okay. C'est-à-dire que, et le peuple, les opposants ne font que transmettre les aspirations profondes du peuple. Alors, lesquelles sont-elles? Eh bien, le retour à la constitution originelle de 92, le droit de vote de la diaspora et la révision du cadre donc électoral. Alors, aujourd'hui, on nous dit que on ne peut même pas dire que l'opposition exagère. Nous avons vu dans les vidéos, c'est la population elle-même qui criait. En tout cas, c'est ce qui se dit, certains Togolais. Donc, on va pas dire qu'ils sont pro du pouvoir, mais disent que bon, voilà, écoutez, l'opposition est aussi exagérée trop parce que le pouvoir vient d'exprimer une volonté de dialoguer, une volonté de revoir la constitution, limitation de mandat, mode de scrutin à deux tours. Mais pourquoi encore demander le débat de Fonia Sibé? Ben, tout simplement parce que Monsieur Fonia Sibé est fort clos. C'est-à-dire? Il est fort clos. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question de limitation des mandats, non seulement elle n'est pas claire, mais en plus, elle arrive trop tard. C'est-à-dire que on ne peut pas, on pouvait faire l'économie de toutes ces personnes tuées, je dis bien tuées, et donc faire le nécessaire depuis. Mais on ne peut pas attendre qu'il y ait des morts, des blessés, des détenus illégalement, pour après nous faire parler ou dire que on présente un avant-projet de loi. Je vous le disais tantôt, monsieur Amos, c'est de la moquerie. Donc, on ne peut pas continuer par se moquer donc, de vous, manière éternelle. Vous, en tant que juriste, en tant que citoyen togolais, en tant qu'activiste de la liberté, des droits et de la démocratie en Afrique et au Togo, vous pensez que c'est de la moquerie aussi, cette manière de procéder du pouvoir. Exactement, Kofi Nanason. Absolument, monsieur Amos, parce que rappelons-le, c'est essentiel. En 2002, le 31 décembre 2002, lorsqu'il fallait modifier, réviser cette constitution unilatéralement, eh bien, on n'a pas mis 11 ans. En 2005, lorsqu'il fallait modifier cette constitution 4 fois en une même nuit, le 6 février, puis ensuite le 20-21 février, sans amendement, on n'a pas eu besoin, donc, d'un avant-projet de loi. Donc, il faut aussi, à chaque chose, s'en tenir à l'histoire. L'histoire nous enseigne que, par le passé, on n'a pas eu besoin donc de toutes ces formules-là pour réviser la Constitution. D'accord. Donc, je pense que si l'État togolais, ou le pouvoir, du moins ceux qui l'incarnent pour le moment, souhaitent aller dans le bon sens, dans le sens des aspirations du peuple, eh bien, on ne parlerait même pas d'un avant-projet de loi. On procéderait tout de suite à la convocation en session extraordinaire des députés, de sorte à ce que le nécessaire soit fait, puisque ces deux textes ou les dispositions portant réforme ou révision de la Constitution ont déjà été introduites. C'est ce que disait tout à l'heure mon contradicteur. Donc, il m'est un peu surprenant de constater qu'aujourd'hui, on brandisse un avant-projet de loi comme si on tenait le paradis. C'est de la moquerie. Exactement. Eh bien, Clément Cloutier, je rappelle que vous êtes parlementaire coopté au Parlement de Hambourg, justement pour la CDU. Et vous êtes germano-togolais. Et le problème togolais vous concerne également, puisque votre origine, elle est togolaise. Donc, du coup, Clément Cloutier, le peuple a montré sa détermination du nord au sud. Il y a une marée humaine, sans langue de bois, on a vu les images. Nous avons nos correspondants au Togo qui nous ont relayé plusieurs fois ce qui se passe au Togo. Actuellement, on sait que le peuple togolais a décidé, a choisi sa liberté. Donc, Clément Cloutier, nous sommes dans la diaspora. Au niveau de lobbying international, que faisons-nous concrètement? Est-ce que la diaspora joue également son rôle face à cette situation très critique, Clément Cloutier? Je crois que... pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas attendu ce soulèvement pour faire ce que nous pouvons faire justement pour pouvoir attirer l'attention des gouvernements respectifs de nos pays d'origine sur le cas togolais. Je veux être clair. Je crois que mon ami l'avait évoqué tout à l'heure, notamment les déclarations du Premier ministre togolais, Monsieur Klassou, qui a déclaré que la loi ne sera pas rétroactive, c'est-à-dire que si même réforme il doit y avoir, on doit remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire, ce qui veut dire que Fona Simbi peut se représenter en 2020. Absolument, et encore, pour un mandat de 7 ans, donc fois 2, ce qui fera 14. Alors, vous comprendrez que les Togolais, naturellement, sont exaspérés par ce système et, disons-le, qui, par des duperies, par la force brute, essayent de nous d'imposer au peuple togolais une dynastie familiale. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et qui règne sur ce pays depuis pratiquement 50 ans. Mais nous voyons les conditions dans lesquels le pays se trouve actuellement. La misère ambiante, la diaspora qui, finalement, s'est substituée à l'État togolais, qui ne crée pas d'emplois dans le pays, la diaspora qui est la force économique qui nourrit le Togo, les familles. Donc, naturellement, Nous essayons de faire notre travail d'explication dans les milieux où nous sommes pour attirer l'attention des gouvernements respectifs sur ce qui se passe au Togo, histoire de dire, nous ne voulons plus que ce qui s'est passé dans les années 90 et qui nous a amenés en exil. Nous avons pratiquement 2 millions de Togolais en exil. Nous ne voulons plus que cet état de choses se reproduise. Je peux vous dire qu'au niveau de l'Allemagne, il y a un grand débat qui se fait autour des réfugiés. Et selon les pronostics et les statistiques, on nous apprend que dans les prochaines années, il y aura pratiquement 1,5 million d'Africains qui vont se déverser sur l'Allemagne. Alors, quelle est la solution? Il faudrait, et c'est ce que je thématise partout où je vais, essayer d'instaurer de vraies démocraties en Afrique, des systèmes démocratiques en Afrique, qui permettent l'entrepreneuriat, qui permettent à la diaspora d'investir dans leur pays d'origine, à travers cet investissement, créer des entreprises, créer des emplois pour résorber le taux de chômage que nous avons dans nos pays. Je crois que c'est le langage que nous devons aussi tenir, parce que on ne doit pas seulement voir le côté violation des droits de l'homme dans les pays, mais surtout aussi le côté économique. D'accord. La misère dans les pays, et je crois que c'est le rôle de la diaspora à travers un transfert de technologie, à travers un travail de lobbying, faire en sorte que nous ayons la stabilité non seulement politique, mais aussi économique. Et je peux vous assurer que à notre niveau, nous jouons ce rôle-là, dans la mesure de nos possibilités. D'accord. Kofi Nyanzon, vous êtes toujours encore avec nous, Kofi Nyanzon. Oui, monsieur Amoussa. Alors, Pardon, je n'ai pas entendu. Et face à cette situation très critique au Togo, la diaspora togolaise n'est pas restée indifférente. On a multiplié des manifestations aux États-Unis, et en France, en Allemagne, et même si notre émission passe ce samedi, nous l'avons quand même enregistré vendredi. Donc, samedi, soutient un grand meeting ou manifestation à Strasbourg. Vous m'avez annoncé que vous allez aussi participer à cette manifestation. Est-ce que la diaspora togolaise joue effectivement son rôle et ou bien sa partition dans ce combat vers la liberté, ce combat que fait les Togolais depuis des années, Kofi Nyanzon? Je considère que la diaspora, elle est plurielle tout d'abord. Et donc, pour ceux qui naturellement militent en faveur des droits de l'homme, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais il convient aujourd'hui d'amplifier cette démarche-là, de sorte à ce que ça puisse réellement se sentir sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs qui ont besoin d'eau, ont besoin de produits. Alors, il revient donc à tout un chacun de faire le nécessaire pour que cette personne-là, aujourd'hui blessée, d'autres qui ne retrouveront peut-être jamais leur mobilité, que cette dernière sache qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des parents à l'étranger, donc dans la diaspora, qui pensent à eux. Et donc, ça va aussi partir de ce postulat-là. Hormis les diverses contributions, il faut également un soutien moral et financier. Et donc, je considère que cette diaspora, qui, encore une fois, rappelons-le, est plurielle, elle fait un travail, mais il convient de l'amplifier de sorte à ce que ça puisse rapidement aider le peuple à recouvrer sa liberté, perdue depuis 50 ans. Nous allons finir rapidement cet entretien exclusif avec vous sur cette actualité et manifestation, 2 jours de manifestation au Togo réprimé et à jeudi 22h tente de Lomé. On a dispersé les manifestants, ils sont des milliers à observer un sitting à Décon, quartier stratégique de Lomé. Et Clément Cloutier, je le disais, vous êtes parlementaire coopté à Hambourg de la CDU, vous êtes germano-togolais. Et les Togolais veulent un changement démocratique. Ils disent maintenant, pas question de négocier avec force, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Est-ce que nous sommes prêts pour arriver à ce combat? Est-ce que les Togolais de la diaspora sont prêts? Quel est votre mot pour terminer et pour clôturer ce débat, Clément Cloutier? Je voudrais d'abord dire que mes pensées vont à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos pères qui sont devant les canons du régime togolais actuel pour réclamer un peu plus de liberté et un peu plus de dignité. Nous sommes de tout cœur avec eux dans ce combat qu'ils mènent pour nous tous, parce que leur bien-être sera aussi notre bien-être. Alors, est-ce que nous sommes prêts à accéder à l'objectif que le peuple réclame? Je crois que les jours et les semaines à venir nous le diront. Tout à fait. Mais personnellement, ce que je peux dire, c'est que j'ai été très conforté et plutôt reconforté quand j'ai vu toute l'opposition togolaise s'unir, faire cette unité pour pouvoir dire, parler d'une seule voix avec le peuple. Assez, ça D'accord. suffit. Okay. Je crois que c'est le message okay. de nous tous. Assez, ça suffit. Bon courage au peuple togolais. Assez, ça suffit. Bon nous courage. Exactement. Kofi Nyanzon, que direz-vous pour terminer ce débat? Est-ce que vous nous suivez, Kofi Nyanzon? Il y a du bruit à vos côtés là-bas, Kofi Nyanzon. Je vous suis, monsieur Amos. Exactement, il y a un peu du bruit, mais on est désolé, il n'y a pas de souci, on continue rapidement. Et votre dernier mot dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique, une émission panafricaine, une émission très suivie par la diaspora africaine et togolaise. Le Togo est en danger, et plusieurs fois, les Togolais l'ont dit, ça fait des années, on a encore réitéré ça et plusieurs fois. Et le peuple togolais a démontré encore sa détermination, hein, le monde entier a les yeux rivés sur le Togo, il y a eu quand même un sentiment que c'est la fin de cette dictature au Togo. Est-ce que vous avez le même sentiment? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces Togolais, surtout de la diaspora, qui ont aussi soif de liberté, de démocratie, qui veulent rentrer enfin au Togo? Kofi Nyanzon. Alors, ce que moi j'aurais à leur dire, c'est tout simplement que la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'en la force. Et donc, la seule crainte que nous puissions avoir, doit être la crainte elle-même. Mais ce que le pouvoir également doit savoir, c'est qu'on peut tout faire avec sa baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Et donc, nous sommes prêts et nous irons jusqu'au bout. Donc, que les populations sur le terrain sachent que cette partie ou cette diaspora qui s'est lancée, elle n'est pas prête de s'essouffler. Nous irons jusqu'au bout. Tout à fait. Nous irons jusqu'au bout. La diaspora togolaise aussi l'a aussi démontré. Donc, maintenant, à jamais, on dit souvent, et si nous nous couchons, nous sommes morts, l'a dit Joseph Kizerbo. Merci à vous, Clément Cloutier, parlementaire coopté au Parlement de Rambo, de la CDU. Vous êtes germano-togolais et le juriste Kofi Nyanzon. Merci et bonsoir. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Merci, monsieur Amos. Bonsoir. Bonjour à tous et à toutes. Ici, c'est Farid dans l'Abourima. Tout le monde le sait déjà, moi je ne garde pas ma langue dans la poche. Ce que je pense, je le dis, si ça vous offense, je m'en fous. Ce message, je l'adresse à la diaspora togolaise. C'est avec rage que je parle à la diaspora togolaise. Oui, diaspora togolaise, Togolais qui vivent en Europe et en Amérique surtout. J'exige de vous de la retenue. Et j'exige de vous le respect pour les Togolais qui se battent pour vous. Vous savez, en période de crise, vous avez une tendance qui agace les Togolais. C'est de penser que vous êtes les plus intelligents. De penser que vous êtes les seuls qui réfléchissez. De penser que vous êtes les seuls instruits du Togo. De penser que vous êtes les seuls qui avez des lunettes pour voir. Vous n'avez aucune idée de ce que les gens vivent sur le terrain. Si vous pensez que se lever et aller s'amasser devant les ambassades en Europe ou en Amérique ou devant la Maison Blanche ou le Quai d'Orsay vaut la même chose qu'affronter un régime brutal comme celui du Togo, c'est que vous êtes hypocrite, vous êtes des rêveurs. Dans les pays où vous vivez, le droit de manifester a été acquis pour vous depuis des siècles. Vous sortez quand vous voulez, vous marchez où vous voulez, vous scandez comme vous voulez et personne ne vous touche. Ici, les gens se battent. Chaque Togolais qui sort pour affronter Faure Gnassingbé ne sait pas s'il aura la garantie de rentrer chez lui. Dans cette diaspora, nous avons des peureux. On se connaît tous. ce que vous demandez aux gens de faire, sortez, je vous offre un billet. Je dis bien, sortez de votre cachette, je vous offre un billet. Pendant que les Togolais se battent et affrontent des balles réelles, des tirs de gaz lacrymogène, de l'eau chaude qui est déversée sur eux par des tanks, vous vous pensez que c'est facile et vous passez votre temps à donner des conseils débiles. Vous n'êtes pas les seuls qui réfléchissez. Alors vos multiples messages que vous envoyez aux gens, moi y compris, dites à Tchadam de faire ci, dites à Jean-Pierre de faire ci, j'en ai marre, je ne veux plus en recevoir, je ne veux plus entendre. Je ne veux plus recevoir de vos conseils parce que nous réfléchissons tous. Nous savons déjà tous que nous devons marcher sur la présidence s'il le faut. Nous savons déjà tous que nous devons prendre l'Assemblée nationale s'il le faut. Nous savons déjà tous que nous devons marcher sur la télévision nationale. Mais nous savons que nous sommes des humains. Et que naturellement, chaque être humain a des limites quand sa vie est en danger. Alors la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'encourager. Pas d'humilier. Pas d'insulter. Pas de critiquer. Ceux qui ont 100 fois plus de courage que vous, qui vous cachez dans la diaspora. Jusqu'aujourd'hui, la diaspora togolaise n'a remporté aucune bataille. Aucune, je dis bien, aucune. Aller chanter devant le quart d'Orsay ou la Maison Blanche, c'est pas une bataille ça. C'est de l'animation. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. C'est de l'animation pure et simple. Là, les gens se battent pour leur vie. Ils ne savent pas s'ils retrouveront leur famille le soir. Et quand ils meurent, on ne vous voit même pas dans la diaspora être là pour soutenir leur famille. Alors du respect pour eux, c'est le minimum qu'on vous demande. Vous avez cette tendance-là, cette manie-là, à penser que vous êtes les seuls qui réfléchissez. Oh, pourquoi ils ne font pas ceci? Ils sont trop bêtes. Pourquoi ils ne marchent pas seulement? Marchez aussi qu'on le voit. Au Cameroun du Sud, quand Paul Biya a mis leur leader en prison et a coupé l'internet pendant 3 mois, les Camerounais du Sud, pas plus tard que le mois d'août dernier, ils ont pris d'assaut toutes les ambassades du Cameroun en Europe. Ils ont chassé l'ambassadeur du Cameroun au Canada. Ils ont brûlé le drapeau. Ils ont implanté leur drapeau. Moins d'une semaine après, Paul Biya a libéré leur leader. Vous, les diasporas togolaises, vous prenez quel risque pour le Togo? Dans ces pays européens où la prison me met douce, je dirais, vous n'osez pas aller contre la loi et aller contre les autorités. Quand on vous invite la diaspora à une petite action, ne serait-ce qu'il servirait à donner le coup de feu, vous fuyez tous, vous disparaissez. Mais vous êtes les premiers donneurs de leçons. Alors ce que vous n'êtes pas capable de faire, ne serait-ce que le centième, vous allez la boucler quand les autres le font. Si vous ne pouvez pas encourager, restez dans vos casernes et laissez les gens combattre comme ils peuvent. Ici, il y a des cellules. Des gens sont organisés. Vous savez comment les gens arrivent à vous envoyer les images depuis le Togo? Sans internet, sans téléphone, sans SMS. Combien d'entre vous les avez remerciés pour cela? Vous leur payez cela avec du mépris. Vous ne faites pas ceci assez. Vous ne faites pas ceci, cela. Vous faites quoi à la diaspora? Ils laissent leur travail, ils laissent leur carrière, ils laissent leur vie, ils mettent tout en danger pour aller libérer le Togo pour vous, pour que vous puissiez rentrer un jour en vacances, vous promener à la plage. Vous faites quoi? Combien d'entre vous avez déjà sacrifié ne serait-ce qu'un mois de salaire pour ce combat? On les compte au bout du doigt. On les compte au bout du doigt. Des gens ont eu 15 mois de prison. Nous avons des prisonniers politiques au Togo depuis 2013. Combien d'entre vous avez envoyé de l'argent pour soutenir leur famille? On vous compte au bout du doigt. Des simples manifestations en Europe, vous êtes incapables de vous organiser pour sortir en masse. On compte 100 Togolais ici, 40 Togolais par là, 500 par ici, mais on sait que vous êtes des millions de la diaspora. Mais quand il est question de faire la gueule, vous avez tous une opinion. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Si vous n'êtes pas capable de mouiller le maillot, contentez-vous d'être supporter et applaudissez et fermez-la. Parce que les Togolais au Togo, ils en ont marre de vos remarques. Ils en ont marre de vos remarques condescendantes. Vous n'êtes pas plus instruit, plus intelligent, plus rusé et plus sage que qui que ce soit. Vous avez fui le Togo. Eux, ils n'ont pas fui. Ils affrontent. le mal. Alors reconnaissez cela et applaudissez-les et soutenez-les, supportez-les. Auquel cas, just keep it shut. Thank you very much. Mes auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et vu tout ce que vit le peuple togolais, vu la démonstration de force et de ce rapport de force qu'est la mobilisation populaire, on dit souvent que la lutte populaire est invincible. Nous disons au peuple togolais de retenir encore et cette citation de feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. » S'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Novio, à volonté, à samedi prochain. Yo, oui d'accord. Avia la von ami. Oui d'accord. Miladjo, oui. Et mia patami do de si togo vio pata do de si be, oui d'accord, les do. Oui d'accord, les do voir. Mi le biom mia de kousi bebi, m'sogbea. Novinon, mia patami son kudo nuke le jol le togoa. Mi nyabe togoa le gble le gble di nou maye maye le jol. Et so, kaka, bonolo ko nani, le cap 2015 to kebe wo 3 août. Et PNP, tiki atadam tova wo le 19 août. Ezeko toa be togo vio son bebe. Yoro la ho yobe nyona. Yoro la vli yobe juta sibele ke nya mama kumye togo wo kaka wo kwa blore. Gudo anami nene ya. Togo vi nusu, togo vi nyonu. E jwa, e le gban, lo di gasi agame. E ye, bololo ali, bololo di. Mi ak patami diyo di sobe, kuda kudo yorak be kiva ya. So lome, ve koro, e jukoto me kulu kulu le togo wa. Togo vi yo site yo, glombe a o. A son wa, game asu. Bon, non, mais nous, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous avons dit que et nous go les mianti et mi les bromé que te go viom le dans l'onde que au seigneur que fa d'agronom mi mian font les mian l'ondon don mea ni mi les diaspora mais mian font les mian l'ondon don me et nya font les mian agronom yo et nya we les zimbé gamé asu et nous les tro o ba ya que les poa ma toto go ntio to tro ba ya les po et te go viom le bona sojo be miamu koni gba dangbo sojo chan mian on vie mini mi mpomo la da ebe sibi tour mi adomio mi pomo la gbatana togo video voye no nwan keva jo ni so yo ragbe o e mi ado de sibe gasia gami bonabe o mi no vi ko le gbadia alo kaka hoya e dopo nu toyo ni o mlo wo nu ale ko la wedo e mi ze ko to ni so be a o a mesia me bombe de komi mi la chi e ni pono no mi ta to me amu so aba Amoro dozo a dokozo. Amoro lo kofe na mobo mianu miao ve de prière de combat le founu. E yenu nwanu keva jo. E zanga we Zangawe V, so yuwa, le Loméa. Badangbo so jogba de ebesivitu opwa mon nyama nyama nyama zangwame. Eninu bako bena togo vide siade yi ameseme ti hui be o nu kere jole keo. Busu nya kere jole togo le keo. Demina no blome togo vio ma. Mamam le togo vio do meore a zon le keye a me o le kolo joa unire be parti a wo ni soa. Ok momo la zon. Vwa ko zon zeleka e zekotu a be kwen me a tovo na kwen kwen me ke ye le jukwa si. Nyanon skote o di na me siya mebe, du ko ke ti na te ho, blona nyan le ka, kwen kwen me nonen si so o du hwa a hwa, kwa se se le ke be ye do tu kwen kwen, do wami blona je jibe ekbe non ju, ye don hon lo to. Ekbe le june to govi o nyate pe toa, to govi ko on to o nyade, o sok bebe yade ebe jwa, obe ho tu nyade vale yi la novio, ho tu nyade vale yi, akban le wan miyare o lang lon kodo me ya, bo wavunde ya, e nyawa yola non blon Enemi le gbeji ade le kemi le seve mi juro mi le seve mi ju le nume kwa mi ma hun awo tore a ase won mi la kan o do mi ba mi pepe fofo ko le enya mi kuta gan re ka na mouvement du 5 octobre 90 voa king bo huye mi asok bia ni a do bo mi mi tambide e bien envie am teke le plombe o di bi agbre somenami o di bi agbre somenami va ma jo ke atai ho amau o le kala honami. Nye mi tanvile mi akho, nye ma mi pepe ya. Gbe si agbe bambi. Gbe si agbe bagbe. Gbe si agbe beku, gbe si agbe kudo, ebe jesi ye. Garo mi an he. Garo mi an yelo. Garo mi an jan. Garo mi an nona ibo. Garo mi a mi fona mi gbona be nuka emi la ma ata ore ka kwela temba hona mi lo o di la gbe so mi na mi o di la gbe so mi na mi lo ata ma we di bana ba hona mi lo o di la gbe so mi na mi o di la gbe so mi na mi se Atamawe Ivana Honamilo Obata Mau Divana Honamini Atala Honamia la Sumianto Miagbo Miakwedo Kluta ni wakwedo e tanamini ne mau blanwa ke hagbeyam lebiana to govi siad kile wa vun le diaspora me kwa dwa miami sena mianko gasia game. Obe diaspora to la wa vuya do mianovio no mianovio ti hume mianovio le fukwekwe me ke miakwa. E ra gbe eleyi na mesia me ni ma yo me gbe nko duwa amo be nko sugbo le mi agbo ale gbe gbe mi ma te yo be nko o jisi wono no o amo ko pata yo na mi bo amo sku de be hado to mi awu na mi se na mi be information mi yejia mi do ape na mi keto go vire siade se haya ni ba don se na woro mi la ko mi ave destin ya so mi ave mu se aso he mo na we c'est la vie aija dolani mi ave ken clan ro babylon a mi vitoi babylon a ke da toi babylon a mi bato be babylon a mi ru toi ya so mi ave mu se kwa ta so na ja c'est la sia wo be mi ai sukula de mi sukulu lo wo be mi anya o ma ke mi ko ti pro mi ho frido mi pomia be soda mi di dode na mi lo odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila odila Ma jopo nyate pe tobo jibe agbele so mena mi mi do akpe na haji to ganwa am tek de kemete di hari chan o yebe fisen jinye e olani vima jia obe mefiko leye e zwale biakwe vwa midyo cheme ma anyi vima jia o manyi vima jie gbedo nemi manyi vima jie wa midyo la ale tatanchi enu ke mi jimi yao bon kudo miyabe ame pepe fofo koko kwele kele ni ame kutaga reka ame wawedo mouvement du 5 octobre wawedo da nyi wana subo enu ko le jole togwa e kamia domento de siade foko le wetrobo koran o Oh, amegaus. Le compte au fond. Yigo le fi abem fond. Enyo. We trop bokon. Enyo, nya dakbi. Nya yeji, o ko be togo onu maye mayo lujo. Yi gbololo le gbololo ji. Mi be o. Nya be reforme o. O, nya be constitution 92 ala introva. Et patakwa du quanto so de quoi so wo be don sen la de so fionson. Eh bien, il y a un maï gore yinti o, ozu yin kaka voye sogbe la, la vli. Eh, ogba pwa mouni son nyama nyama nyama. Ke bololo ko li yedi le togwa le ko olokpo son tiro nyake la si yo son nyama di fuko kele. Ame gama o shakwe non, de onam be wetroya, be ma po nupo le apo mounji. Toutougwa ken gba ma po nupo a, ap de monam. Ma dakbe nan men kouta de o, o eva na apo mounji yo va pou nan nupo ntonto. Ye opuna nupo be ina jiji na togo vyo pata keke. Ame on wa tongbe a, Amerika le wa domia. Ele nye apenon Farida. Namburema. Mle dakbene. Mle dakbene kaka nye mnyare ke mas. Ma dakbe ane bela vodo kaka la yi jiji ne o. Ma dakbe bado akbene ili vichan. Ni nabi. Bon. Et nous que balé d'officia. Et les donc 90 maintenant. 90, 91, 92, 93. Qu'est-ce qu'on a? Y'a mais que, n'y a pas de l'étoile, soit, le couteau noir. Vos gars, qui a? So, gawan, mea. Bikone, poube, togo, viroa. Afwa oto yo ni nyanyawo. Le togo vyo fon, donde diyo le diya, okpona tane. Vogakea, amoko le konamia, nde kape kposo u togo vyo we. Ye kposo do nan klenami chan, et tout. Et bon. Fwa amerikpen chan moun le togo vyo si, la ple tou ne waya, ne wachan wada. Ne non wa, nke la jo le togo la non nyebe, o le blo, la non globe, guerre civile. Fwa ame mim diyo. Togo vyo mdina be vune koda nyigba on. Vwa, mdonkou be gawan mea. Mi dina hade. So do nan sen de vyo. De vyo mto dina. De vyo mto wekba hawan gawan mea. Mya wekbe na on to chon. O dina habe. Mya mto ele sa mya beku. Mya mto ele sa mya beku. Nova. Mya mi la dakbe. Wa o la datu. Mya mto ele sa mya beku. Mya mto ele di hawan. A vyo wopu la liyo. A puis vous pouvez aller. Et nous courons dans les jours ni soir. On va couper des vieux temps dans les champs avec vous. Voir Maou Bense Beya Jiramea. Quand on dit Coco Bé, dit Doudou, la banne Togo Dwa. Nemi Bobo, yo ba, yo bo glambe a fléchi, et gomme bémi ba, votre vitrine, votre patricia, et bon. Et ya. Mi ma batin de tato le mo. A vwa kwe la yeji. A vwa kwe la ya vwundi lo. Ye kumbe ma tonne togo vyo. Ke a vwa kwe la ya vwundi. Ye kwe yo lo tona togo vi gire yo. Va bebye le nyibe. Mi sokbe a. E juv kwa de sofyo ni sobe mi sokbe. Vwa ne mi aso yaso yi politik toba kwa diare. O sokbe son a ni sobo no ju. Kap 2015. PNP, groupe des 6, et santé et du peuple va borouanti. Les bololo men totan, on me koudak betoa, mikbo, djeritama, mikbo, yovi ak boibo. Et togo vide siya de kemo nan diobe djoube nyantiano yo, yovi ak boibo, akweta yovi ak boibo, mi nyame koumbe benya, mi vakbo le nene me bololo ame. Le oko sebebe, ni sokbe nyate petoa. Do avoyadia, vive toa, ame oni, e inkonotona ha, fofokwele. Amos, ni soirée Kaplan Bololoa et Bo et politique Hamebe Nkonolo Pata Tekin Lotu Nkokokim Agbouy Boadjan Maître Apevon Tama Nkpo Akpata Meshame Bande Kam Bonny Soa et Mac Blanc La Bleu Bonny Soa Be Agbouy Bogbado Nyaya Mema Agbouy Bogbado Nyaya Mema Ye Bela Baba Flumia Waka Flanou Koemi Po 90 mai Kakabado Kame Kenya So Jolie Le 2 mai Ni be obe o la soba kansen na mo. Ni ento e kwa kwa ton kouvi. Ni ento e seko apé to. Banya bolbola gbara do mi adome. Ne tobe ba do mi adome fifi. Be ya wo nou nye ya. Ya dati jono wa wa wa toa. D'accord. Ke wwa. Wa otro koupou. Vwa ne. Ba bava. Ava enya kon la gblan. E la tombo dome la gbabe gbonyambu. Le jiru do agboa. E wwa ya. Et moi, y'a, togo vio malon. Togo vio le kwe mak balon. Ye, olava nyabede. Et ha metode, politique be ha metode ve flou. Ame. Bon nyabou le, et nou ame. Kafla, Amos, ou ma ten kansen ou, kek pata keken le, mou adjou. Dame la vana nye, ma kansen, chak boy bonti. Mouni bon bon le nye tak bolo. Le akor de waga, ke mou chinye le aéroport a, nous est job blanc bia ni to po ko atun kuvi eyan me ko lo mi mate gbe yan wa na o voa ni so ko zon wa ke chan va ogun me lan sugbon gbe na de si o va togo wa togo vi o alo togo to wa mo amele ma son ti si so gbe be na wo e togo vi o logun be baba ka me su son mi ni amo sku da pe hado to le gbe won o be baba na nko na tode baba tro yo so to me a ma gba choke o Eyo wo ni soya mo boru de kome. Amo so a baba. Amo so e decisé o lo danu le funu le nono mitata o memi kwe amo ro ro lo o lo do ti e ko fe na mo bu midula midula non seme la midula nya hwa e ka flamye no bi diaspora to cha mi do ape na wo amo ko lo se vive na wo juwa n wa pa telo mi la va nya wo disan le ya amo ko lo se vive na wo juwa o wele de o jesi na mo Amo ko la makpono de omise. Nenye mkwa lo nye ndo prouwa yamate no bole. Bwa, du kwa de so fion ho. E le zanwa me zere ka. Yo gwa de ka dwa mu koto ade. Le ko kwa jidudu. Wan, be, wana wado. Le ko milete, le, mi, ose gome ya. Ose gome be, amo lo zon alo gwa lo. O lo di adan ha. Amo be, juwa, nye be, adan ha. Mi ade, mi ade kwe la. Ni be chukara be nyayo vova de gas doa do me sanga wa do me ya mo gwa jafoku lo ko poso nya wa chiru fuku le enya wa ma do ntino do ha beji tutugwa ogbonbe togo vio le de baba de ni parti politique to ke la gba so la me a mo do me la gba be sa me zo alo la na be enya la gba gli baba no Kaplan, c'est Adrien, il n'y a pas de Baba, Baba, de non. Baba, ne si kole noua. Baba, ne a son liko le zon. Baba, de non. Mini bo le do baba, so le, ou mwana me, ou le si odareye, be akwad o koji. E russo donan lode, gamme ki russo a revolution donan lode, la revolution tue ses propres enfants. E gomme ni bene, ou le revolution me, yo trahira, ou la trahira, ou la kwebe conséquence. Et avaye. Vwane tobe dume vio. O lava non zon. Alok balo. O alon jiji jwa ha. Bo anon da pa be. Tro tro ye ye mi le di. A blode ye ye ne soumiasi. A me ho ho on o jo. Ne togo a banyon. Ne mi a tout togo dwa si bare ke be jelou a. Ye o lak baba so tout do. De vio dume. Lak ba da gaz. Lak ba da tou. Balles de caoutchouc, le socorec ou bafilo, l'oméa, gaz lacrymogène, que ton nous a ramé. Kakakoudo gamin possède, amekouya, les l'oméo. Vami les CB, tanyo américa, kou vede kou le bafilo. Allo socoré, vale l'oméa, amekou mi fiel, amo le blessé mi po. ne e nyawa baba jwa kewa e régime amou le dit trotro e ya godo godo godo godo mi le dit trotro ye ame kwele wabe habobo ame de na susu nombe ah o kaka fiko we ba sen esu ni ele nya de gajo o ta tudo wa do mi wabu wa kaka le bia kekin ah o ya cha maula ma de mon gbere kamila ko strategie bou ke mi la so pe wa cha ni la ko strategie bou Togo vio la ko strategie bou ke la pe wa cha ye ils n'ont pas le monopole de la violence o la ba ko gbere ka be yo mdo mo ni tu yo la ba e la ba ko gbere ka be ki n'ont pas le monopole de la violence violence a la trova la ke ma son ku me gbere ka Tu. Non, mais c'est pas la famille, l'eau. Ouais, tu vois la famille, l'eau. Et non, mi quoi, y'a quoi. Le Togo du roi, mais bon, ma quoi, si tu peux, l'eau. Et non. Et non, faut que les, ma non, quand tu dis, n'y avait tout d'une tobe, et tant il y a, qu'il y a un tobe, il est doux, ben, allez, caca, mais, et doux, camé, les miens, bon, l'Amérique, bani, bandi, et que, qu'il y a mille ou, m'y a mis mission, y'a, et filagre, mille ou, tu y'a. Et so même na gbemi la apuna modua mia wa antoa nya me redaction mi e koro Strasbourg doa e gbololo e gbololo ji le funu mia chamiro la po gomele mi godo tanjilili lo konto fon ro trobo kona o ao monsieur Amos mfon lo nya da pe ni mawo enyo nya da pe e po gbolo wa nya da pe le mawo e fofo ko le polo mi le wa na ya mi de mi da pe no bo va chumi e obi ndo no la kwa me a wa nyona on le kamo voir faut que les beuy dogbe de do be dogbe na tant chili li ni na bi do akpe na mi miawe lo do wa iji di okhlo na numi ye obi a wale pa na mi obi togo la fo ku gane me va morubu a chi miawe le daji ba fo ku de ntomo le jore togo nya no vi gba logbo ni so e ju kwa de so fi obi pen pen me le ye si la pen pen me aya e to be ni zon e o no de ko me voir o gba da ye bi se wi chu gba fu a bon nyama nyama o gba nyamu va fi de agbe kemi le woni ni bi wona ya ni po be in kia ju ko be non ma so gbe to kru amon gba to di omo nya to wa to la o be kan le to le king bo ko be le gloire yi o gba to zo nu nya ma nya ma la hoyi susu ke la si o nya ke lo ya so gbo lo ko po so nya wan tiro lo ko po so avon tiro avon la ya gamia su voir how o si le vai to ni so ke ko mi le gbonye gamia so gamira ba su ni to go vi o le ke a ame gbogbo ko to je mo ji wa ebe gomebe togo to sende gome mi adume bi o mi sende gomebe ma te moni ne gbe si agbore ye na mi po be bi do ite si be mi ato mi ade fio ye nke ngu ke kan ba do de si le mi ebe ke ye mi abe parti ni to leader o o site yo le gombe o be nke kere ve ye yo bio be yo awo ma sha do fi ele ke edume bi o nto be gbede be yo la zo yin ko be yola zo iko be nya ya yola bo e nya bo re bio e dume dio be aola e president ni jola zipe aji me e no ti kona yo a me o le gbo bo ni do li se ona yo ko ti si ona do li na yo ni e no wajo ni yo ayi election e dume dio le gbo be ni yo igba yi election kwa me wo ke alo o la we do wa ba kora mi zereka la gbo zereka be re e ya ma gba yi election gbede wa le o le ja we do kaka yi yo la te gba da ko kwa me yo to gbere gbe ko di yo re da ko kwa me yo nu di po gbere wa re no ke ola tin tu ero de 92 be agru ke mi le gbanto ya mi fa ye le so po 98 me a mi fa ye le so 98 me mi du di bon to na mi o re le ke to mo la ma no do inu o pata yo amo le yin bo do me la amo le yin bo do me be re po nya be yo mi lo po mo anu e dia inu ko le gbo yo a parti politique o be nya toto yin politique si o be nya toto yin do wa ya et c'est que les deux partis politiques avaient alternance mila y élection mais d'accord qu'un goyo on l'a choisi mi votre peuple a deux poids et deux power la team dit obédé et nous les gens les bêtes du mauvais président n'est démissionné pas donc à des nous encore les bioficiers on est parti politique pour les bio labo les tassédio et doyen qui grimpe pouvoir au peuple le peuple a le pouvoir la voix du peuple c'est la voix de Dieu et tu obéis bien et il m'a et du médium et le diable qui baigne, quand il s'en a eu et de vous que c'est un outil qu'on a mis de bois qui pourrait. Et mes corps. Mais c'est un mec, et d'ailleurs, les biomes, c'est baissé à vélo. Et ya, ma biome, baissé à vélo, et les bébés, ni mila, quoi, béné, et mien ont vu nos coups d'orium le sait comme tout ouais j'ai dit faut faut que les cahiers bolonja tu es dit ni soyez et n'y a pas beaucoup de cap 2015 groupe des cycles de PNP tobo y a l'oc bosso kouragbea blague bébé zambéa les télévisions dit la roya gouvernement a dit nananya les taux et il est nananya wamea et les boulons bébé oh et n'y a que yo le boulon roro so réformé n'y a un tia a yo va kwek bwe obi yo a de sou sou inti mi bo yo sok beso la wèl obi ya ya bato so n'y a que yo le boulon san beno dako a ako amel magadou président bani bato 10 ans tiyo yon manda wa limite la no obi yizebe kwek ba obi yo a tro so n'y a so ese o pe a meson wa mo bo honvi e bindu ni ma mi ma jo honvi ga si a game ode opposition a dapa obi yo mi ba ya blemi ke mi foun la mi akba e ko ya aje mba a jo ke yo le ko kbo obi no nomi ado le ko ose gome do fufu ko le ka plan zi adren lo ame ke yele nye kude alo ame la nani nukude mi la bobo mi la do kwen de kaji de la nokbe la signe ho manon la globe de ke yela wo nu ko yela wo nu ko ye obi oyaji ene game va soa taiko ma we na wo tutu gba to la ko ebe o nyagwa mu we o nkejo kweto ebe gwa la gbaba jo meme chose a ke pe e tongwa la gbaba jo meme chose a ke pe kaka a me ke va le blue le fro ga si aga mi wo ko agba no yo mene be ne gbaba no enu adea promesse dea agba po ji se be onya obele to na ya a to go vide pe ndoma te hanya wa ji sore to go vide pe ke le do pe sinu nyanya o ke le do pe me ke nyana nwa e la nyanyo e de po be a je son ye e pete uni to le da parce que tout bon wa we ni majoritaire à l'assemblée le opposition cassé londo nyawa di non gbere bnb obe fija olombe yo la reforma yo la de kereke wa we ni majoritaire l'assemblée no gba ba yi voye la gba ba no ni ro kwa be o tu afonya mi san be wa be parti aye gbe a be yo nja wa reforma yo nja de kereke wa ano gba ba yi be yo nja we o wa o ma temba no ni obe no we gbere ode donc à fifi ou est-ce que le bia c'est le cas pas mi a tout nombre n'y a pas pour blanc non non non et non et mais quand on soigne à moi je dois pas pour et non n'y a pas les doigts et non n'y a pas les doigts et que les doigts et puis avec réforme à temps on l'a ouais on l'a réforme de peu pour voir bien qu'un dollar et mais quoi et non n'y a pas les quais tant il y a quoi roma tant il y a non le dit les lois mais l'eau et améliore mis au amos oh y a y a y a non mais le kebe le kono do ma be ino chano na kono la me gasia gabe. Ino be yi kura gwe toa. Ke yore gwe toa ye mjaji o. Be o nya o nan olu radio ji o lo gbono be o. Ame gafo nya singbe jo gbono be. Ye sokbe son ya o reforma webe o no va asamble nasyonal o. E se o pebe no wa o nyare. Nou kek ba jo lo jome do chukarami bube fo ane jo jo ma. Doa do me neva ya reforme nye mi le gbono. Mi va gbono rutu a la condition de 92. Nye be seno ho wa waso seno ho waso va. Oh, pata kwa ju kwa be non, e ya yungba yungba li di nyawa kobe, a menga fwa rewa nata. Ya mo, oh, nke enti ya me a ju be a ju wore fong kuto mi ba jilo dimpone ma, le kimi la se nyawa gome do tanji li. Nya be nyare, e mi mou leo la, nya si go vio be nya, e mi mou leo le. E ye kome se kwe le e kwa lwen. A kon nene mi sinyo, a kon nene ye mi sinye kwa me yo o. To kaka accord du 12 juin. Et mi signé kaka 91 mai. 91 mai accord du 12 juin que mi la vantoyé conférence nationale. Mi di pour mi les problèmes du kaka mi les. Il était fait que mi bois au Mawetago. Conférence nationale mais recommandation au Mawetago. Conférence wa pour les Bénin. Ye kwe bene twe to di ye pola to ni jiku dogwe. Ni la te nre prezidant nene ko do bo ke ni o konferansa. Se nene, manda de nene ko iya. Ye kwe ni a to aglo. Ni la, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, on a wamo mnyame nyabu obiom lo vamle madto ya be meno zireka on est d'assi à mobe violo a mobe vi kole gwa kole ne to nyito on est d'assi à mobe violo on est tot ya mopo pole be amelo non est tot ya mopo pole to gwa be duabe et nous on pata sok pe e nyagbone no vivo mason do dia et du meju la bonne jola dikia ya dia mole yom le yomi da kio be le ke oye o ma te ndombo a jose le kore ni ma na otan video ma ona pote nu be a pote nu kenyo e nu ka omu le wati o pote to nyaman kamyoyo e ni akele mi akwe imede a me di spe chan le ni akila ti uwe na mi sa o mi an tok pe la to mu se gome fifi ba me di spe mu le togo vio mu do ta o do no ma u de kele wati yen ti ane ne togo vio be e president ane jola ti pi a dia ale te bela wedo e ti tele wa reform mu le wa reform ba nya po be ye le joya ta ni da ti me be pe no ni pe nya be le jo enyo to wo o wo na se o ni am yo wo na se o ni enyo e me ko ese do enya ko gbo fifi ko do nya ku fofo ku le be nya enya kike wa e me ko be ah ki e nya be e nya be nko no to ko le opposition me a on bo mo la TV pour nous poke, abe yon ko yon Francis Bembe dialogue kudo et l'Assemblée nationale avec po ay kochi et nyako ba so doa o le son ti so lo gbebe na we allo amoro le blombe o le guga me na we allo le guga me na du quoi gami su bongo le mia sio mia trova mia moko le diaspora ntogboa et lupo gami mle ma po nou ke nye novi fari dana buru mak blondo da le Francis Bembe voa et mon mado WhatsApp kudo réseaux sociaux di kpata kpata ma de gomo vide kpobe ele biji e biji kufuku lele wanabe totoji ya ontobi duak bene wanabo sinya kebe blon e nyakele jimene ya bi blon ebe nem jitu mena medowa ameane so ke duwa miya diaspora tok bu blonbo o miyami wanande kwekwinto o midura yi presidans midura yi fi leke o vwa miyanto ke le fi ya blavwa mi bo mi le dobe ya lo vwa miyanto le kemino akbolo mi kpone obono le togo do o la po bol so ame ke le tuame bono doro tuame mi chile kakwa akbola kpe yo e nyawa e miya no vi fadida di bi akbola bi di bi akbe gbona miya moko le diaspora bebe msogbe yo be miya no sa miya makbe yo nene yo e mi trovan ke ting blonye adwa miya trovan miya nyanto miya nyanto miya akbola mi sogbe son a le diaspora miya tanchi lili mi sogbe ya mi leke mi lo otu ado ni la gbagbo ewu nene a loko po miya no vi fadida be nyake ikbola so loko po edo e nukula mi nyake mi la tekbola so wame yo tanchi lili ne nye ngba ngoro be enyawa o le tonya je o le gbon be ne ne don ka be mi le se me fi abe o ngba be wo negotiation le peke o ko ma gba yi fi le pe o parti politique o parti politique yo ni ndi o le tanye se gomi va ke yin chan ba yi tian politique be so ku ale jo ale fi a mo va se gomi negotiation ya ne parti politique obi avec on négociation et les engagés wan to wa parti politique be négociation vo du mevio ya ne du mevio lo do ndebe awo clican o la we on est comme ne du mevio be président la jola dit ya ya ne président ya ba be so be e ba ku de ba mo o be ne do parlement yo ba be na yin ne ni ameko le ja pro to aso ba pa meko le pro egbe opata e nyare ka pro nyati lo ide ke ko mi acha mi Nemi acha mi le do to peuple ale modia, nemi do ho de mi le ja wa kontare, la sinye ho made, alo le ja wa ondia, mi la do to peuple ale moto. Nemi on cha ke le opposition ami, ye mi ni leader, nemi inte le do to peuple wa, ya me ko to le plot wa, o le do to peuple wa, e nyare ka de la bani. Ye ntia, mu ka lo jibe la pawre ya dia, o la do to peuple a fifi. Enyo. Enyo. Ya to ye Farida be nya dia. Listen ko ye ji ye ne ma ko ko so yin na bari da be nya dia enu ma enu ke tu be dia ko ne dia enya vive ni ye be bro peut-être be le hiye me fi a mu bro ne dona jifide no le japo kwa no le po kwa ne a me ke ye so susu mu e bodo nya wa ntia e la ho e do nyo e ji no na me de so susu bada so bodo ntia era ho lo bada jino alo gbedo gba enu gbo me sese mba nana ni o ye tin gbo na be na gengbe alo gbe ke nya me be du be gbe ya mo do gbe se to ke de le fonu ku e bia ke nya nse nya ngbo me ya de bi atonya o do mu ke ntie nya me tu gbe de atonya o do mu ke ntie nya mo se mu ke nya to le jan Amea, nento kole yoma nene kole blona ma. Miwele, tatiri li miwele, tatiri li miwele, e yalaba ole kia mule kwe, e iwo pata li fatige ni. Wonto amos le funo le hoye. E yebe jie bele bi. Depo ye, mila bade kukuna mesia me la gnobele. Ne gnode mu nyo wa. Nya so ke gwa nu ke bele jak gwa be fon e le bele. O detay ya lo ale bele gwa yola no so. E nyo, nyo la no so. E me ko. Nyo ke bele gwa le de bele nko nyan to gwa florare. Rol ke ni le jwe o. O pose kestyon wanta man renti no. Rol ke mi do la jwe are. E wo silve a mos le funwa de. Ni so ni mdo, ni mdo internet o la. Voire, on y a baba kaka, on prend message na mi. Voilà, zaro no la no ton ambe y le domi zami. Et donc pour qu'on le voit pour ton radio. Mi do la no tout fait na we. Mi do la, mi do la no organiser. Mi do la no joga wa, mi la do accountability. Mi do la no sérieux. Y nous comme la no wa. On la y nous tellement bien aller à mon et tout ça. On la no bumi. Vous voyez les gars là, nous commis les voilà abouti. Elle a non. Il est légobé, démocratie de rigueur. Il est là-haut. Et dit, tant il est mieux, on avait à roi, Jova, m'y a appelé tout, et tu as un peu plaidé au gloubison, hein. Amélie Blondia, ouais, tant il est dit. Et moi, j'ai mis mon ouïa, il est obligé, autant de tout le monde, ami, ni à que les diaspora, ni les blondoda, et aux coalitions, les secondes, les spéciales. Ni les indépendants, ni Malédiens ont parti les PPMU. Ni à part ça, tout le monde a pour rien à l'ido, à moi les miens, mais on les ruinir. À moi les miens, mais on la fio, on les hame, hame, hame. Et si à les miens, Malédiens ont, ni les diaspora indépendantes pour venir, si tu vois les ennemis pour les miens des droits, ni à part ça, les deux étaient cibés, et vous allez en danger, y a les miens des arrêts. Ni dans la boca. Tu dois me coller dans des points. Et non. Quand il a bordé, d'où les fous Enyon, ma... Mbwe mi la pedo mi ansi. Enyon, matroso gano zandia, mi tia matone kwa no chan ola potanek bebe wana gamele li li mi. E fofo kwele, o setanti li li be nyan. E ye, o nton ton o kafu, e mi anon vi falida na bure mabe an, a kwa wato be nyi, o yama Amazon ton ton ton ton. Amazon e ye be nyi, e nona, e wana, e nona danji anto le be nyan ome. Obe geng bea, obe mse, oma sek bea ola, mene ma sena obe sene ou, o sevo. E amrubu, amos, enya keye falida gbono an. Elle s'est bébé et toi ou dade ne so quoi media a mien va doué na mi anya be nyawa panko ya e a yin tewa va falle dam le glona am le glonya le zo amoko ye o lo wo dana togo a do falle dam to chan e glona nya gasanga bo si vin togo to do le o se gomo lo pere yo nti e de na susuku ye e nya be yele kai mate weo va be yele glonya na togo vi gedeo ko le so mio si so le fion be ju ke yeno gbon yiwa gbon lo gbon togo nyana wa ola zun ko de onom zun directement ola zun indirectement doko poso enya enu so me kemela milate plaso no me blo ga popo se se kemi togo vi ole yo fukule yo Sylvain madame Farida Nabore made a pe nton to ko emi lo da doni ni yeba me pe yeba me wo le avuya me a yo na be togo bi sugbo la do e ba pa me ye no ja be pu nu po la nya nu poko la no poa o la nya nu poko la no poa me ke gbo lo la no pu nu po do da o do la nya da kafla kafla se adre togo to wa de a me de blen re no aji be a me ke le jo me a be se lo kone ma Togo et Togodo be pele beni. Et le Togodo le pouvoir le ya pele Togodo be pele beni. Mais ne va avoir mais il y a avoir mais quoi d'abord des kebabs non adoumé. Bah un ami voit quoi non jamais. Ah non Gombe yo ni un bel deke yo ni un ou deke quoi to. Ne faris la pour nous voir et là replacer tout le monde à sa place. Et yoan. Nin Georgina me do wa a me aneve o nke juro ya. Parce que nya a pe mu popo e ke gba we wuni ni an toja. Oh, e ja gba e gbro yan pate. Enyo fofo ko le mse nya wa gome. Mi ti leka. Make le nya godu, a make le nya godu le joan me po bi ya ye nya wu. Be Jean-Pierre Fabre ko e la jou. et Jean-Pierre Fabre ni il y a demandé vie mais que ni il y a demandé vie benyo mima yak pa won emi comme bi se yawa gome enyak ame bon yawa et dans le comité bi men parce que Jean-Pierre Fabre que besoin est zoom on le sait Jean-Pierre Fabre que besoin elle est zoom Jean-Pierre Fabre allez tokbe ke jima ben gbe mu ni donné ni ba se nyere tokbe ke jima mu tout temps da nyigba mu chasse ya dema be gba to yin godo me ba mes soeur eyon mi se yan wa gome mi se yan wa fofo ko le gamiam su bona mi o eyon eyon ke tokbe ke jima ben gbe le do gome ni be tokbe nya e jia me de ke gba me a eyon mima so di bibi so we o ke o be a wale para mi o sia ke ekpoto ele ko ame wa nya nu popo eyon ele ko enya do le ogbon na me ade ete yi on la porte plainte son tio emeko eyon michi ama twin poto manami michi vvvv etan jilili du quoi de sofion be ye sogbe ame se mi po e mi mo ko le gbeji ale mi sogbe ya la wa voa obe miamo ko le gbia mia we do la wa voa so wa mo ko la hoya do wa mo mia no vi ko la ko pa nko chu o pa nko yi bi si vi chu o lo pour le gba ta no mi gba le po no ga shega mi ta ti lili kan le toy oni la e nya ke la si o o la gbo ni ba ti to ji an to go vi ko le gbeji la ga popo ya mi o bi no po be jo be ndele jo ta ti lili je e gbe are e gba po wa e ji ba so na e be mi to wa kudo etu kaya mo ba le lo le lo ahome kweto wa eji to na mba leke ma oro e nyantoa edo a fide po ye ngbona mi so pe voire mi do la no organiser la mi la so organiser mi do la nya me de ke nya be en la ni en wa ne mi do no ya so men ti grigan nya bi e bi am le to na me ade kabe na de ne ele ti be ma yo appel ma bobele mi le dia me ko la o lui ti a ku de mi yo ma he calculatrice de pepe da lo me wa be a me o wa nya me po wa bon be yo lo be na de wa me no wa be yo a pe do wa ki yo a pe do a me ko le doya le nya be du me ki yo a jira nya be du do yo a do lo lo ne yo e la ba nya me ko te ko te ke la no kura yin ba le a mo do be chan ba to be ndi pepe ke to be ya wo le be du me ki ya e ti ba no jo e lo yin ki bon mais quand tu es niveau il a tombé il a eu un repoua il peut y avoir des relations qui la tient d'ici des gamins qui y a tiré les gants tiennent là va bouner là va bouir à ma bureau dollar mais après là mais et bien ben néné et noir et or allez tu sais ma bonne et là ça moi et bien bien non moi ni ma fille est folle et non bien tiré bien tiré carré bien tiré capu dans nos vignes pour boire au feu et là vous y avez tombé les beaux mari mi le dia me kewe la wo nu to ya ku do mi an kwere to na ta si wa do kwe le se agogo na le nya me im me na ngore ge ti agoda e me servir se de passe o ma no ji ne pe ko ado ado passion ne mu ko le wa e so ba no me o me do e to go bi la bu ya e ye mi le nya ni le dia me kewe la ba no bon teori onanio mi ni a teori la to so ku be politiko eyon gamelelimi ke amesa mene titelo eyon nya da pe fofo kole enya de due de ke la si o miti le kalo fofo kole na so puta na igbebe wona na mi o obi akoya elezolo akoya elezolo mi ya nya te beto yi eno le zin fofo kole igbele bo akoya elezoa de pomi la buta me a du botro do stratégie bu ngblefia ka ifa isande ya fi ya mi lo da do stratégie bu ke ye ni la so wanyam ya be so revio le togwa doa ale npo so jo gbadu amoba home impunement do en do odo amoba home ko pata ba bona ba po amo le wa ba home ya nem po nye ba to go bi ojo bona mun e nyawa e pe français vous be sidéré n'am quoi ça dit be pone kaka mbi yo À mon second, il compte spécial de la noire. À messieurs, ministre de l'Okojibéry. Chaque mois, ni 2 euros, et c'est le sort d'achat. 2 euros, nous avons mis la même salaire de Dieu. Et tu as la onde, elle a dit si la moula. 2000, 5000, 10000, pas 2 euros là. Au cas là, il y a un sort d'achat, et bien, on va mettre dans un bébé là. Oh, de vieux, on m'a dit que vous avez dit que Emeko, Enyon. A qui vous avez dit Enyon, Gabriel Lilimi, Osia. A qui vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Afiana von ami, ne we dava da koa, mila jowe, we da kobe game souvo. Togo via mso ANC meo, togo vi mso unir meo, togo vi mso kar meo, togo vi mso adi meo, togo via togo vie beni, kolam le si o, togo de ka yele si, e yi nene nene be du le zoa, togo vio la yo, togo to la yo, oma yo be unir oma yo be ANC o. Et mes cocottes, mes semi-kelek bidia, et n'y a que mille ro clou clou clou clou, au sort de la cinéma blonde du quoi que les diaspora me gligan aïenibé, gamé à soube, rotu n'y a que valia, non ni togo vio béan rotu n'y a mewa, que vima tchéoni, maillot des français bimou labo oboni fils indigne, à mon cause les français bimou nove digna, les dissons amis, noboni fils indigna, om sobeo, que togo vi, Odi bi ani fis indigna ani vima jia ho tunya ya ayama totogontio to troba ya ile tro toguma tole meu atarika ela honami kama ko la vuya mea ezaku kelea o le jidoyo o le janiyo o mle danloyo o ba tala honami ke mi ono gbera dodoji voa mi blabe avant le thé e nyangare beni mi ono julo am tek ke met be haya O bu di la gbli so me namia. O ma gbli so me namia so miyakbo. No vino o. Mi anon ju. Mo ba mette pokone no kudo mi lo. Bye bye. Besia gbe bambi. Besia gbe bagbe Besia gbe beku Besia gbe kudo ebe jesiye Garo mian he Garo mian yelo Garo mian chan Garo mian nona ibo Garo mian mi fona mi gbona be Nuka emi la ma Ata ore kakwe la temba hona mi lo Oh, di la gbe so mena mi Oh, di la gbe so mena mi lo Ata ma we Di ba na ba hona mi lo Oh, di la gbe so mena mi Oh, di la gbe so mena mi Ata ma we Di ba na ba hona mi lo Obe demokrasi Mi o demokrasi Obe papa neva Ke mi gondide Obe totron neva Ke mi dape Ke mi jihabe Nyan to ele si miyabe pou Nyan to ele sa miyaba Moun nabe kame soubo vò Moun nabe kame soubo Moun nabe kame soubo vò Moun nabe kame soubo Moun nabe kame soube Nan miya cha miya vò miya inko Babilona Tola hankake la kiko Ote mou fa kankan Nyan Mi ho frio, mi fa mia bestia da mia